Ça va, les amigos ? Mais très bien. Moi, j'ai un bon cheveu. On me le dit souvent chez le coiffeur, et c'est vrai, hein, c'est pas pour tirer la couverture à moi, mais combien de fois je me fais pas arrêter dans la rue par des fabricants de perruques? Ils me font « Ernesto, si tu rases, j'achète ». C'est pas une question d'argent. C'est vrai, non? Qu'ils aillent en Inde, hein, comme tout le monde. Donc, je vais parler de cheveux ce matin, et c'est pas contre vous, Daniel. Hein. Ne le prenez pas personnellement. J'ai vu des photos de vous il y a encore quoi, 10, 12 ans, et tu te dis « Putain, on dirait Michel Berger à l'époque ». Daniel, bah ça y est, allez sur les bigoudis. Hein. Et je me moque pas, hein. Qui suis-je pour juger votre période de quand vous étiez crépus? J'ai aucune leçon à donner en matière de cheveux, moi. Moi, j'ai eu une coupe mulet pendant tellement longtemps sans que personne me force. Ouais, j'ai footballeur. J'allais chez le coiffeur, il me faisait une nuque longue, 13 cm. Je faisais my man. Vraiment. Moi, dans la vie, j'ai eu des coupes de cheveux, c'était des crash boursiers. Parfois, les gens ils me demandaient, t'as connu Paul Le Poulpe? Je fais, ouais, je l'ai eu sur ma tête pendant 6 ans et demi. On m'appelait Paul Mirabel à l'époque. C'est vrai, les coiffeurs, ils m'ont fait tellement de mal dans ma vie. Ils peuvent tellement te saper la confiance. Parfois, tu leur dis juste rafraîchir et eux, ils comprennent, je vais tenter un truc. Ils te font un brushing, tu ressembles à Joe Dassin. Allez, c'est comme les filles, il faudrait pouvoir les filmer en cas de bavure. Quoi. Je dis pas que je suis pour la peine de mort contre les mauvais coiffeurs, mais il faut au moins un système de vengeance proportionné. Quoi. Genre, ton coiffeur te rate, ben, tu peux le brûler avec un sèche-cheveux ou ne fût-ce que lui voler son enfant. Un truc proportionné. Quoi. Non, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que la semaine passée, Nagui m'a demandé comment ça allait en Belgique et j'ai un peu bégayé ma réponse parce que j'étais pris de court. Depuis quand il s'intéresse aux autres, Nagui? Moi, j'étais pas prêt pour une question. Je t'ai déstabilisé. La dernière fois que Nagui m'a posé une question, c'était t'as pas 600 euros, s'il te plaît. Mon dealer est en bas, il prend pas la Mex Black. Je crois que j'avais eu un, merci. Mais du coup, cette semaine, je vous donne des nouvelles de la Belgique. Ça y est, on est le pays le plus confiné d'Europe. On sera déconfiné en l'an 3000, je pense. On a le droit de fêter Noël, mais avec un miroir pour donner l'impression qu'on est beaucoup. Vraiment. Ceci dit, nos magasins non essentiels peuvent rouvrir aujourd'hui, hein, mais avec un protocole encore plus strict en France. Chez vous, il faut 8 mètres carrés par client. Chez nous, il faut 10 mètres carrés par client. Eh ouais, ma gueule. Même en virus, on vous nique. Et ouais, le Covid belge, il peut s'étendre sur 10 mètres carrés. C'est pas un petit Covid de français fragile. Non. Le Covid chez nous, il joue plus offensif que vous. Eh, s'il y a une Coupe du Monde du Covid, c'est fini les miracles. Leur demi-finale, on vous prend le matin, le midi et le soir. Hein. Hey, c'est curieux quand même, non, ces disparités d'un pays frontalier à l'autre. Genre chez nous, les coiffeurs, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Vous allez me dire, ça leur apprendra à faire des jeux de mots. Pas faux. Hein, j'avoue que son salon superlatif, ça donne envie de crever dans un lisseur vapeur. Il mérite. Mais bon, en théorie, chez nous, les salons de coiffure, ils pourront ouvrir que le 1er février. Dans 2 mois, voilà. Dans 2 mois, on va avoir de ces têtes. 2 mois de plus sans toucher à nos cheveux. Vous imaginez un pays entier qui va ressembler à Benjamin Biolay. Sérieux, dans deux mois, même les bébés, ils vont avoir des carrés plongeants. Les gens, ils vont faire leur propre teinture. Super, tu voulais un blond vénitien, tu finis comme Jeanne Masse. Sérieux, c'est sûr que dans pas longtemps, les Belges, ils vont débarquer en masse pour faire du tourisme capillaire. Paris, la Tour Eiffel, c'est faire à friser. Sérieux. Moi, c'est à Paris que je me fais couper les cheveux chez Patrice, c'est un coiffeur de star. Ouais. C'est lui qui coiffe le chien de Michel Drucker. Parce que de la même manière qu'on a tous eu un professeur qui a changé nos vies, on a tous eu un coiffeur qui un jour a su donner confiance, qui a su nous dire, moi perso, j'irai pas sur un catogan. Alors que toi, t'étais parti pour un hommage à Francis Lalanne, c'est vrai. Donc je fais un bisou à Patrice et je lui dis prépare mon laissage brésilien parce que je tiendrai pas de moi. Allez, bonne émission. Merci, Yamo.